à l'automne à Mondave. Un week-end qui finit en épave, c'est les vendanges chez le copain. C'est la fête des potes, c'est du raisin, pas de soucis pour la sueur. Une heure ou deux. Quand on ramène le trésor au chais, on a la gorge toute desséchée. On goûte un verre de jus de raisin, mais attention. Voilà.